te faire niquer, ça je te dis du bac à sable. Je veux un test de paternité, les je t'aime c'est pas fiable. Je connais des mecs qui zouk avec leur gun juste avant de m'endormir. Dans mon ghetto y'a pas de mis à mort, mais rien que ça nique à mort. Y'a pas de cupidon, c'est toi qui te fais des films. Dis que l'amour rend aveugle, je te dis que la trahison se dessine. Mariage égal divorce, au mien moi je ferai pas de discours. Ma femme est une ex-pute, demande à son père une dot discount. Amour casse bélier, payer les pots cassés, ça c'est pour les victimes. Ceux qui montent à dame feront pas de lèche-vitrine. De toute façon les je t'aime on s'en tape hein. Pourrait parler d'amour, un cadavre ou bien une tape hein. Moi je pars pas loin, l'amour avant la guerre, donc je pleure des larmes de missiles. À l'heure des violons je m'esquive, baby girl I miss you. Ça sent le crime passionnel, pas loin du périmètre. Le corps d'une femme se vend, ben donc l'amour s'achète. C'est les reproches qui nous font stagner. Rock l'amour, c'est pour nos sœurs et leur cœur brisé. Rock l'amour, mais ghetto youth maudit d'en parler. Rock l'amour, boss and lady, SF a baby. C'est les reproches qui nous font stagner. Rock l'amour, c'est pour nos sœurs et leur cœur brisé. Rock l'amour, mais ghetto youth maudit d'en parler. Rock l'amour, boss and lady, SF a baby. Quand l'amour nique la haine, jure de parler gentiment. Demande aux putes qui sortent de tournante et elles baisent avec des sentiments. Non, fuck l'amour, devant toute la foule, je l'ai dit. Tellement de putes qu'on devient possessif et parano, baby. C'est l'amour, c'est un monument. Moi je comptais venir en touriste. Dans mes histoires, t'entends des cœurs, mais j'avais pas demandé de choriste. Aucune confiance envers la jante féminine. J'oublie pas qu'en carassonne rouge j'aurai affaire à des épines. Sur la cadre la fidélité, y'a que les chiens qui tombent en panne. Un couple essence briquet, un deck au bébé pyromane. Il t'a trompé une fois, quand tu sors tu dors pas. Ton pardon a ses raisons, ta meilleure pote comprend pas. Belek au MSN, Belek au Facebook, au Twitter. Un meuf au mec, au SMS avec des tigleurs. Pleurer pour sa dulcinée, tout ça c'est du ciné. Puis qu'il y a des Alfa Romeo, toutes les Juliettes veulent michetonner. C'est les reproches qui nous font stagner. Rock l'amour, c'est pour nos sœurs et leur cœur brisé. Rock l'amour, mais ghetto youth maudit d'en parler. Rock l'amour, boss and lady, SF a baby. C'est les reproches qui nous font stagner. Rock l'amour, c'est pour nos sœurs et leur cœur brisé. Rock l'amour, mais ghetto youth maudit d'en parler. Rock l'amour, boss and lady, SF a baby.